Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Les occasions de danser cet été à Nancy ne manquent pas, notamment avec les diverses propositions faites dans les guinguettes. Coup de projecteur sur un rendez-vous dansant, là c'est au cœur du parc de la Pépinière, ce sont les néo-bals colorés proposés par l'association 3 et 4. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Claire, bonjour. Bonjour. Néo-bals colorés, donc ça c'est tout l'été, jusque fin août? Oui c'est ça, jusqu'à la dernière semaine d'août. Et donc l'association 3 et 4 qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir dans les locaux les années précédentes. Alors c'est l'occasion aussi de refaire un petit point sur l'association qui existe depuis quelques années maintenant. Ah oui, ça fait déjà un bon moment, plus de 10 ans. Quel est le rôle de l'association? Parce qu'il n'y a pas que les néo-bals colorés, c'est toute l'année que vous proposez divers ateliers de danse. Oui exactement, on fait des ateliers le mercredi soir. On fait deux ateliers avec, entre les ateliers, une petite pratique dansante. Donc ce ne sont pas des cours, ce sont vraiment des ateliers, c'est des bénévoles qui viennent animer. Donc ça peut être aussi bien la salsa, de la bachata, du rock, du West Coast. On fait toutes les danses, on est ouvert à toutes les danses. Et c'est ces danses qu'on va retrouver un peu tout l'été au parc de la Pépinière? Exactement, donc à la Pépinière on a un quota des danses dans lequel il y a du West Coast Swing, du rock, de la salsa, de la bachata. On retrouve aussi valse, cha-cha, tango, enfin un peu de tout ça. Histoire que tout le monde puisse pratiquer et faire la danse qu'il aime. Il y a aussi des danses collectives, pardon, et du coup, oui, c'est sympa. Parfois, quand on n'a pas l'habitude de la danse, on hésite parfois à se lancer sur le parquet. Il y a des danses qui sont plus faciles d'accès que d'autres? Oui, il y en a qui sont quand même plus faciles à apprendre. Mais là, par exemple, pour l'ouverture du mardi 11, il y aura une initiation bachata. Alors, la bachata, c'est quoi l'origine de cette danse? Donc, la bachata, c'est une danse latine, donc qui se danse en 8 ans. C'est une des danses les plus accessibles, plus faciles à apprendre, plus facile que la salsa. En général, quand on danse la salsa, on commence par la bachata et ça facilite un peu le travail. Donc là, les néo-bals colorés, ce sont les mardis de l'été, hein, c'est ça, à partir de 19h jusqu'à tard dans la nuit. Jusqu'à la fermeture de la pépinière, donc c'est 22h30, il me semble, quelque chose. Alors comment ça s'organise sur place? On vient simplement? C'est ouvert à tout le monde peut venir comme il veut, donc nous on fait la pub sur Facebook. On a tout le programme. Il y a aussi la mairie qui affiche le programme à la Pépinière. Donc c'est à côté de la brasserie, comme chaque année. Il y a une petite piste de danse. Oui. Et chaque membre de l'association est libre de choisir sa playlist pour les mardis, avec un quota à respecter, un certain nombre de pourcentages en fonction des danses. Et du coup, on essaie de viser un public large, avec des musiques que tout le monde connaît, et puis aussi plus originales des fois. Donc oui, tout le monde est bienvenu pour essayer de danser. C'est ouvert à tous, les adultes, les enfants. Alors les néo-bals colorés, ça fait quelques années maintenant que ça existe aussi au parc de la Pépinière. Un petit regard sur les années précédentes, ça marche bien? Oui, ça marche bien. On a toujours plein de monde qui vient et c'est toujours très agréable. Les gens sont très bonne humeur, on s'amuse beaucoup. Et c'est vrai, c'est vrai que l'été dernier, il a fait très chaud, donc on n'a pas eu d'annulation à cause du temps. Mm-hmm. Cette année, on a la chance de pouvoir faire 3 lundis en plus pour faire du West Coast Swing. Donc du coup, ce sera vraiment 100% West Coast Swing. Pour le danser, c'est vrai que c'est une danse assez compliquée, mais après, ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent danser sur la piste, ils ne dansent pas les danses, ils dansent dans leur coin, enfin, ils s'amusent. Enfin, voilà, le but, oui, c'est de s'amuser aussi. Personne n'est là pour juger les autres. Non, bien sûr que non. On s'amuse. Non, c'est le but de 3 et 4, c'est aussi s'amuser, c'est du partage, c'est de l'échange. Claire, vous faites partie de l'association depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît dans la danse et dans l'association aussi? Alors dans la danse, c'est ma grande passion en fait. Depuis que je suis petite, j'adore. En fait, ce que je retrouve avec l'esprit 3 et 4, c'est que j'adore le partage. On est là, on échange tout ensemble, danse tous ensemble. Il y a pas de barrière, il y a pas de limite d'âge en fait. Tout le monde danse avec tout le monde. C'est un peu comme une grande famille. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est l'esprit de la danse que je recherche et c'est ce que j'ai retrouvé à 3 et 4. La danse que vous appréciez particulièrement, il y en a une? Oui, ouais. La bachata sensuelle. Qui sera proposée peut-être cet été aussi? Il y a toujours des musiques un peu sensuelles, toujours. Ouais. Après, on peut pas faire une session bachata sensuelle parce que si on fait une initiation, faut faire le pas de base de la bachata et si on commence à faire de la sensuelle, je pense qu'on perd la moitié des personnes. C'est pas le but. D'accord, donc, mais la bachata aura sa place au parc de la Pépinière cet été. Oui, bien été, sûr. Comme la salsa et d'autres danses que vous avez citées. Alors pour s'organiser, on l'a dit, c'est les mardis à partir de 19h et vous avez dit que sur la page Facebook, on pouvait retrouver tout ça aussi? Oui, sur la page 3 et 4, voir aussi le programme d'affiché devant la piste de danse. Et pour l'association 3 et 4, à la rentrée, les ateliers reprennent? Oui, les ateliers reprennent. Donc en septembre, on a prévu un stage de West Coast Swing et donc on a des danseurs, des professionnels qui viennent. Donc là, c'est un stage payant du coup parce que c'est des professionnels qui viennent proposer donc des niveaux en West Coast avec une soirée à l'appui qui sera normalement au CLM de l'Axou. Je vous laisse le dernier mot maintenant, Claire, pour donner envie aux gens de venir déjà à vos rencontres au Parc de la Pépinière cet été. Et bah, si vous venez, vous allez vraiment vous amuser. C'est vraiment un bon moment de partage. On s'amuse bien tous ensemble. On est très gentils, tous très souriants. Et les musiques sont vraiment cool. Chacun apporte un peu son univers dans la danse. Chaque mardi, c'est des playlists différents. Donc, si vous voulez vraiment partager un bon moment en famille ou tout seul ou avec des amis, venez. Franchement, pas hésiter. Merci Claire. Je vous en prie.